Ne me quitte pas. Et voilà, bougez l'antenne encore un peu. Comme ça. Non, plus vers la droite. Stop, c'est parfait. Formidable, merci. Il ne me reste plus qu'à m'acheter le programme télé et fini les soirées ennuyeuses à mourir. Oui, mais ne vous faites pas trop d'illusions quand même. D'ici, vous ne capturez que deux chaînes. Et si par miracle le ciel est clair, peut-être télé Monte Carlo. C'est déjà 300% comparé à avant. Je vous sers un verre? C'est pas de refus. Faustine écoute Jean-Claude, le propriétaire gérant installateur de l'unique magasin électroménager radio-télévision Grassois, lui raconter sa vie. Elle a besoin de toutes ses ressources d'empathie. Le pauvre garçon vient, en effet, de se faire plaquer par sa femme, partir rejoindre un autre homme. Bien sûr, elle a emmené leur fils. Jean-Claude ne voit donc plus son petit garçon que de 7 en 14. L'enfant lui manque beaucoup. Comme si cela ne suffisait pas, un soir, en rentrant du boulot, il a trouvé leur appartement vidé, sauf pour un lit, une table et deux chaises. Même le PQ avait disparu, ainsi que le contenu du frigidaire. Fallait-il qu'elle soit en colère, pense Faustine, bien qu'elle considère cette attitude comme étant le summum de la mesquinerie. Elle compte bien ne jamais vivre cette situation. Si un jour elle devait quitter son mari, elle n'exigera pas de pension, c'est sûr. Jean-Claude lui montre un pauvre sourire désabusé, mais il se reprend aussitôt et positif. Au moins, elle lui a laissé son matériel de photographie et de développement. Il est vrai qu'elle n'aurait pas su quoi en faire. Après qu'il a pris congé, Faustine s'amuse avec sa télé toute neuve. Ça fait du bien d'avoir un peu de compagnie. Elle se sent déjà moins seule. Le lendemain matin, Maxime lui téléphone. « Bonjour mon amour, ça va ?»« Coussi coussin, toi ?»« Pas génial. » »« Depuis dimanche, Hélène n'arrête pas de me faire des scènes de jalousie. Elle devient complètement parano. » « Figure-toi qu'elle veut que je t'appelle un soir à ton boulot pour t'entendre dire qu'il n'y a rien entre nous. » « Tu veux bien répondre et jouer le jeu ?»« Oui. » D'autant que je pense qu'il vaut mieux, en effet, qu'il n'y ait plus rien entre nous. « Non ! Pourquoi ? Pourquoi, Faustine ? On est heureux. Prends patience, ça lui passera. »« Bah, toi, peut-être que ça te convient, mais en ce qui me concerne, j'ai horreur de ce rôle de coupable que tu me fais jouer. Ce qu'on a fait le jour de la fête, s'envoyer en l'air alors qu'elle te cherchait partout en pleurant, c'est abject. Tu ne t'en rends même pas compte. Moi, je ne veux plus jamais revivre ça. » Tu n'as pas le droit de me quitter. Je tiens trop à toi. Je ne supporterai pas que tu me quittes. J'ai besoin de toi. Pff, tu parles. Tu ne m'as jamais dit une seule fois que tu m'aimais en 4 mois. T'as besoin de moi? Eh bien, choisis et divorce alors. Tout de suite les grands mots. Tu sais bien que je ne peux pas lui faire ça. Ça la détruirait. Tu vois, quoi qu'on fasse, on détruit. On n'était pas parti pour ça. Vraiment, je préfère souffrir un bon coup maintenant et briser là. Ça vaudrait mieux pour tout le monde. Tu verras, tu m'oublieras très vite. Certainement pas. Mais si c'est ce que tu veux, il faudra qu'on se revoie pour que tu me rendes mes lettres. Et aussi, j'ai un voyage prévu en Suisse au mois de juillet. Je veux que tu m'accompagnes. Je veux, dans tes rêves. T'as pas encore compris? J'ai dit non. Faustine, tu dois me donner mes 8 jours. N'importe quel balayeur y a droit. Il n'en est pas question. On en reparlera. Mais en attendant, tu dois me rendre mes lettres. D'accord. Quand? Mercredi soir, rendez-vous à 20h sur le parking de la MJC. Sinon, fais attention quand tu sors de chez toi. Hélène a un frère flic à Cannes. Elle m'a dit qu'il viendrait t'arranger le portrait un de ces jours. Charmant. Je confirme, il est temps qu'on arrête de se voir. Faustine raccroche, à la fois triste, inquiète et soulagée. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit si facile. Par contre, cette menace qui plane n'augure rien de bon. Il va falloir être prudente et ouvrir l'œil. Elle a eu raison d'avoir arrêté la machine infernale avant que les dégâts ne soient irréversibles. Les jours qui suivent, la jeune femme se lance à fond dans le travail. Fin mai, c'est la fête des mères. Il faut emballer et expédier les commandes FISA. Elle bosse de 7h à 19h sans autre pause que les repas de midi. Maman est ravie. La frénésie de Faustine lui permet de baisser la pression. À 42 ans, elle commence à sentir la fatigue, d'autant que la saison a été bien remplie. Un jour, en sortant du parking, les parents repèrent une voiture qui descend l'avenue au pas. Un homme est au volant. Une blonde à ses côtés, portant lunettes noires, scrute attentivement les alentours. D'après leur description, Faustine pense qu'il pourrait s'agir d'Hélène, sans doute avec son frère policier. Une chance qu'elle ne soit pas sortie. Un soir, Jean-Claude téléphone à l'atelier. C'est la fête du cinéma à Grasse. Est-ce que Faustine accepterait de l'accompagner? Et pourquoi pas? Cette année, le seul film qu'elle a réussi à voir au Festival de Cannes, c'est Iphigénie. Elle a bien aimé, même si elle aurait préféré La Dentelière avec Isabelle Huppert. Ce dernier n'étant pas encore sorti dans les salles, Jean-Claude propose Annie Hall de Woody Allen. Un film formidable selon lui. Va pour Woody. Restaurant, cinéma, la soirée est très agréable. Faustine fait un peu mieux connaissance avec Jean-Claude, qui s'avère gentil, attentionné et prévenant. Drôle aussi, quand il oublie ses malheurs. De retour chez elle, Faustine s'étonne. Elle vient de passer 4 heures sans penser à Maxime. C'est la première fois depuis longtemps. Le mercredi prévu pour l'ultime rencontre avec son futur ex-amant, Faustine essaye en vain de démarrer sa voiture. Les lettres de Maxime sont posées côté passager. Elle lance le moteur. Une fois, deux fois, trois fois. Rien à faire. Il est noyé. Oh non, pas ce soir, s'il te plaît, pas ce soir. Allez, on attend, on recommence et rebelote. Mort. Et merde, la grosse poisse. Alors que la conductrice s'énerve, sa vision périphérique capte le José qui rentre chez lui. Ah, mais c'est qu'il a une voiture, lui. José, je dois absolument aller à Cannes ce soir, je suis en panne, prête-moi ta voiture s'il te plaît. Pas question, je ne la prête jamais. Ah bon, pourquoi? Elle est spéciale, elle n'obéit qu'à moi, tu ne saurais pas la conduire. Elle a un moteur, 4 roues, de l'essence? Oui. Alors je la conduirai très bien. Non, je te dis non, je ne la prête pas, jamais. Je vois. Et si j'allais raconter à Magali ce que tu faisais sur le rebord de ma fenêtre l'autre soir? Pire, que tu m'aurais fait si je t'avais laissé entrer. Tu crois qu'elle apprécierait? Tu me fais un chantage? Appelle ça comme tu veux. Bon, ça va, je te la prête, mais seulement cette fois, hein? Bien sûr, merci José. Faustine n'a jamais conduit seule une autre voiture que la sienne. Si elle a bien réussi à démarrer, par contre, elle a un peu de mal avec le levier des vitesses. Au moment où elle est face à la dérupe la plus raide de Grasse pour rejoindre la route qui mène à Tourette, alors qu'elle veut passer en première, par on ne sait quel maléfice, elle se retrouve en marche arrière. Et flûte! Elle essaye de changer la donne, s'acharne sur le levier, rien à faire. Finalement, comme il n'y a pas un chat à l'horizon, Faustine, en désespoir de cause, monte la pente à reculons. Coup de bol, arrivée en haut, le carrosse tressaute sur une bosse et le levier miraculeusement reprend tout seul la bonne position. Consciente que la vieille amie 6 ne redémarrera pas si elle a le malheur de s'arrêter, la néoconductrice effectue d'une traite les 30 km jusqu'au parking de la MJC de Cagnes sans jamais caler, priant le Seigneur et ses saints pour que tous les feux soient verts. Arrivée à destination, elle aperçoit Maxime qui l'attend. Échangeant à peine un baiser maladroit sur la joue, elle lui tend ses lettres, il lui rend les siennes, puis l'entraîne dans une rue transversale. Il s'est muni d'un briquet. Mais ce soir, le mistral est violent. On ne voudrait pas risquer un incendie. Alors, lentement, patiemment, une à une, ils déchirent leurs missives en morceaux si petits qu'on pourrait les confondre avec des confettis. Songeurs, tristes, ils regardent les preuves de leur romance s'envoler, puis disparaître au soir tombant. Tu es sûr que tu ne changeras pas d'avis? J'en suis sûr. Tu es sûre que tu ne divorceras jamais? Oui, alors je n'ai plus rien à te dire. Adieu, Maxime. Adieu, Faustine. Tu me permets de t'écrire de temps en temps? Je ne peux pas t'en empêcher, mais je préférerais que tu ne le fasses pas.